Melissa. D'accord. Melissa métisse de Bissa vit toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Melissa me tue. Le matin derrière ses canis alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Melissa y a tout plein d'inconnus. Descendez ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en se montrant blanc, tout un tas d'individus filme noir et blanc. Melissa métisse d'Ibiza a des seins tout pointus. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Melissa me tue. Descendez ça c'est défendu, mastez chez les gens. Elle crie mais bien entendu, y'a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout défendue, disant qu'elle attend. Melissa métisse d'Ibiza a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Melissa me tue. Je vous ai jamais vu. Le matin derrière ses canis, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Melissa c'est ça, là c'est moi qui vous.